J'ai procédé rondement dans celle que je viens de faire, et l'on ne trouvera sûrement pas que j'ai ici pallié la noirceur de mon forfait. Mais je ne remplirai pas le but de ce livre si je n'exposais en même temps mes dispositions intérieures et que je craignisse de m'excuser en ce qui est conforme à la vérité. Jamais la méchanceté ne fut plus loin de moi que dans ce cruel moment. Et lorsque je chargeais cette malheureuse fille, il est bizarre, mais il est vrai, que mon amitié pour elle en fut la cause. Elle était présente à ma pensée. Je m'excusai sur le premier objet qui s'offrit. Je l'accusai d'avoir fait ce que je voulais faire et de m'avoir donné le ruban, parce que mon intention était de le lui donner. Quand je la vis paraître ensuite, mon cœur fut déchiré, mais la présence de tant de monde fut plus forte que mon repentir. Je craignais peu la punition. Je ne craignais que la honte, mais je la craignais plus que la mort, plus que le crime, plus que tout au monde. J'aurais voulu m'enfoncer, m'étouffer dans le centre de la terre. L'invincible honte l'emporta sur tout. La honte seule fit mon impudence. Et, plus je devenais criminel, plus l'effroi d'en convenir me rendait intrépide. Je ne voyais que l'horreur d'être reconnu, déclaré publiquement, moi présent, voleur, menteur, calomniateur. Un trouble universel m'ôtait tout autre sentiment. Si l'on m'eût laissé revenir à moi-même, j'aurais infailliblement tout déclaré. Si M. de la Roque m'eût pris à part, qu'il m'eût dit « Ne perdez pas cette pauvre fille. Si vous êtes coupable, avouez-le-moi. » Je me serais jeté à ses pieds dans l'instant, j'en suis parfaitement sûr. Mais on ne fit que m'intimider quand il fallait me donner du courage. L'âge est encore une attention qu'il est juste de faire. À peine était-il sorti de l'enfance, ou plutôt, j'étais encore. Dans la jeunesse, les véritables noirceurs sont plus criminels encore que dans l'âge mûr. Mais ce qui n'est que faiblesse l'est beaucoup moins, et ma faute, au fond, n'était guère autre chose. Aussi, son souvenir m'afflige-t-il moins à cause du mal en lui-même qu'à cause de celui qu'il a dû causer. Il m'a même fait ce bien de me garantir pour le reste de ma vie de tout acte tendant au crime par l'impression terrible qui m'est restée du seul que j'ai jamais commis. Et je crois sentir que mon aversion pour le mensonge me vient en grande partie du regret d'en avoir pu faire un aussi noir. Si c'est un crime qui puisse être expié, comme j'ose le croire, il doit l'être par tant de malheurs dont la fin de ma vie est accablée, par 40 ans de droiture et d'honneur dans des occasions difficiles. Et la pauvre Marion trouve tant de vengeurs en ce monde que, quelque grande qu'ait été mon offense envers elle, je crains peu d'en emporter la culpe avec moi. Voilà ce que j'avais à dire sur cet article. Qu'il me soit permis de n'en reparler jamais.